Chapitre 4. Une question embarrassante. Le lendemain, le père a du mal à se séparer de sa fille. La belle le rassure, mais une fois seule, elle est désespérée et se met à pleurer. En effet, la belle pense que la bête va la manger le soir même. Elle se calme ensuite, car elle veut profiter de sa dernière journée. Je vais plutôt aller dans le jardin du château pour admirer la nature, se dit-elle. Elle va alors se promener dans le parc. Elle est émerveillée. Il y a des fleurs de toutes les couleurs et chacune a un parfum différent. Après sa promenade, elle décide de visiter le magnifique château. Sur une porte, elle découvre l'inscription « Chambre de la Belle ». Elle ouvre la porte et est éblouie par la beauté de la pièce. Au milieu, il y a un lit recouvert d'un drap en soie. Un miroir au cadre doré est posé sur la cheminée. Mais elle remarque surtout la grande bibliothèque et le piano. Des livres ? Un piano ? Comme c'est étrange ! Pense-t-elle. La bête ne veut pas que je m'ennuie. Mais alors, elle ne veut peut-être pas me manger tout de suite ? Elle choisit un livre sur une étagère. Elle l'ouvre et commence à lire. Soudain, des mots apparaissent sur les pages. Désirez, puis commandez. Vous êtes ici la reine. Oh ! Je désire une seule chose. Revoir mon père. Quand elle prononce ces mots, elle voit apparaître son père dans le miroir doré. Il entre dans leur maison, où il est accueilli par Hortense et Rosemonde. La bête est tellement gentille avec moi, pense la belle. Est-ce que je dois vraiment avoir peur d'elle ? Elle se sent mieux et, à midi, elle mange de bon appétit. Le soir, au moment du dîner, elle entend le bruit qui annonce l'arrivée de la bête. La belle, je peux te tenir compagnie ? Lui dit le monstre. Mais vous êtes le maître ici ? Répond la belle. Et toi la maîtresse ? Affirme la bête. Si je t'ennuie, dis-moi simplement de partir. La belle, je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Tu me trouves vraiment horrible. La belle ne sait pas quoi répondre. Elle hésite, puis lui dit. Eh bien, oui, je ne sais pas mentir. Mais je crois aussi que vous êtes très gentil. Tu es très honnête. Tu as raison, la belle. Je suis horrible et peut-être gentil aussi. Mais je suis une bête. La bête baisse les yeux. Tu es ici chez toi. Surtout, ne sois pas triste. Comme vous êtes aimable. Je préfère quelqu'un comme vous, avec un visage affreux, plutôt qu'un homme beau, mais sans cœur. La belle finit de manger. Parler avec la bête l'a définitivement rassurée et elle n'a plus peur. La bête la regarde, puis lui pose une nouvelle question. La belle, je sais que cela va te sembler étrange, mais veux-tu m'épouser ? Quelle question ! La belle est terrorisée, mais elle décide de lui répondre sincèrement. Non, la bête ! Je suis désolée, mais je ne veux pas ! Le monstre pousse un cri épouvantable qui fait trembler tout le château. Au revoir, la belle ! Dit-il en partant.